Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va bien se compléter parce que moi, je suis partie donc de la sociologie des religions. Je n'avais pas nécessairement vocation à la base à m'intéresser à la classe sociale. Et donc, quand j'ai travaillé sur les mouvements néo-hindous, à un moment, il m'est apparu évident qu'il y avait quand même quelque chose. Donc, les gens qui faisaient du yoga, de la méditation, c'était une fraction de la classe moyenne tout à fait spécifique, urbaine, éduquée, mais pas n'importe quelle éducation. Et donc, je me souviens tout à fait, quand je faisais ma thèse, avoir les discussions avec d'autres doctorants, se dire, mais quand même, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le bruit ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être là ? Bon, c'était pas populaire, et je pense qu'à l'époque, c'était les chapitres de ma thèse qui m'ont le plus intéressée, mais il me semble que ma soutenance, c'est vraiment quelque chose qui n'avait pas été discuté très peu, alors que j'avais quand même 5-6 membres du jury. Bref. Ouais. Et donc, j'ai continué à travailler là-dessus par la suite. Je suis revenue là-dessus dans mon dernier ouvrage sur ce que j'appelle l'exotisme religieux, en montrant que voilà, ça touche une fraction de la classe moyenne tout à fait particulière. J'y reviendrai. Et ici, donc, j'ai utilisé un chapitre de ce livre où j'ai beaucoup regretté d'avoir mis ces données dans le livre, parce que je pense que finalement, j'aurais pu en faire quelque chose à part, donc, tout à fait développé. Et ce que je vais proposer aujourd'hui ici, c'est un peu le début de ce que j'aurais dû faire, mais bon, je reste peut-être plus tard. Donc, en ce qui concerne la religion et la classe sociale, moi j'étais partie de la sociologie des religions, et notamment Weber, qui disait les biens de salut, finalement, doivent être rapportés au monde ici-bas, en fonction d'une certaine image du monde, de la prise de position des acteurs par rapport à celui-ci, que l'on peut comprendre les différentes voies de salut. Bon. Évidemment, on connaît bien son étude classique, magistrale, entre ascétisme protestant et capitalisme, où il parle d'affinité élective, qui est un très beau terme, et en même temps très complexe, parce que qu'est-ce que c'est qu'une affinité, que sont des affinités électives, pardon. Il y a presque quelque chose de magique parce qu'obscur et difficile. Alors, on sait aussi que Bourdieu a repris cette idée dans une interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber, en le poussant un peu dans sa propre direction et dans ce qu'il écrit. On voudrait seulement suggérer que l'explication des pratiques et des croyances religieuses par l'intérêt religieux des producteurs ou des consommateurs peut rendre compte de la croyance elle-même. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, assez rapidement, m'avaient vraiment stimulé. En d'autres termes, ça veut dire que la croyance reflète les intérêts des acteurs sociaux qui, lui, reflètent leur position sociale. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est essayer de pousser ça plus loin grâce à une analyse empirique et très micro, ce qui n'est pas mon style d'habitude, mais bon, pour une fois. Une analyse micro-sociologique des relations entre biens de salut et classe sociale. Et pour faire ça, je vais donc prendre deux cas d'études, deux personnes avec des trajectoires différentes, contrastées, toutes deux membres d'un mouvement religieux que certains d'entre vous connaissent, le centre de la Kabbale, et comparer un petit peu donc leurs aspirations sociales et religieuses, la manière dont ils parlent des biens de salut qu'ils reçoivent. Et je vais essayer de montrer que finalement, la relation à cet enseignement religieux, qui est donc le même ici, varie en fonction des positions sociales que ces individus occupent, notamment en termes de trajectoire sociale et professionnelle, mais je pense qu'il y a aussi une partie ici qui tient au genre, parce qu'il y a une femme et un homme. Et bien sûr, il y a une intersection, c'est évident. Et aussi, je vais essayer de discuter un petit peu, est-ce que finalement les biens de salut ont des effets différents sur les individus en fonction de qui ils sont. Et comment ça fonctionne. Ce sera un peu les questions finales, et j'espère que cela nous pourrait nous conduire à réfléchir à comment est-ce qu'on peut pousser l'analyse weberienne et bourdieuvienne de ces rapports entre bien de salut et stratification sociale. Ah oui. Alors, je dois commencer tout d'abord, avant de partir là-dedans, par faire une présentation du mouvement religieux en question. Je déteste les communications qui commencent par une introduction des mouvements religieux, histoire du fondateur, pratique, etc. Mais là, je suis un petit peu obligée, de manière à ce que vous compreniez les discours des deux individus en question. Mais je vais essayer d'être relativement assez courte. Donc, Le centre de la Kabbale est ce qu'on appelle un nouveau mouvement religieux qui se réfère au judaïsme, ce qui est peu courant. Il a été fondé par Philippe Berg à New York. Il était un agent d'assurance, mais d'un milieu orthodoxe. Et il s'intéresse à la Kabbale en 1962, lorsqu'il se rend en Israël avec sa première femme. Et rapidement, il commence à enseigner la Kabbale à des jeunes Israéliens qui sont en voie de sécularisation, c'est-à-dire vraiment qui commencent... c'est quand même le contexte de la contre-culture, y compris en Israël, qui ont eu une éducation peut-être un peu vaguement religieuse, mais qui s'en détachent. Et il considère finalement que l'étude, la compréhension de la Kabbale peut représenter une forme, un moteur pour la revitalisation du judaïsme, et il ne sera pas le seul dans les années 60 à voir la Kabbale de cette manière-là. Et il essaye de montrer la pertinence du judaïsme à travers la Kabbale, présentée comme un enseignement mystique, spirituel, vivant, à l'opposition de la religion dite vue comme étant institutionnelle, organisée, triste, religieuse, bureaucratique, et ainsi de suite. Donc encore une fois, ça c'est vraiment très contre-culturel, rien de vraiment original, et c'est à une époque où les communautés juives, que ce soit en Israël, mais surtout aux États-Unis d'ailleurs, connaissent une sécularisation très rapide, plus rapide aux États-Unis par exemple que le catholicisme ou le protestantisme. Dans les années 90, après avoir eu pas mal de soucis avec l'orthodoxie en Israël, les Berg retournent aux États-Unis. Là, ils se confrontent à un public très différent, des juifs américains sécularisés, mais qui connaissent beaucoup moins la culture judaïque que les Israéliens auxquels ils avaient affaire avant. Et ensuite, ils changent de mission dans les années 90 et disent souhaiter travailler au progrès spirituel de toute l'humanité. Donc, quelles que soient les religions, les croyances, nationalités des individus. Donc, pour faire cela, ils vont avoir une rhétorique universaliste. La Kabbale n'est pas juive, mais c'est pour tout le monde. Et évidemment, tous les aspects, toutes les références au judaïsme qui étaient quand même assez centrales dans les premières années du mouvement vont être mises en sourdine. Donc, on élimine un peu les éléments de culture juive. Et puis, des professeurs de l'époque, quand je les ai interviewés, me disaient, bon, finalement, c'était pas si difficile pour eux, puisqu'ils enseignaient déjà à des gens sécularisés, puis à des juifs américains qui ne connaissaient pas grand-chose au judaïsme, et qui étaient vraiment déjà aussi en voie de sécularisation, donc ils n'avaient pas envie d'être trop religieux. Donc, c'était pas trop difficile, parce qu'ils me disent, again, you have to kind of hide the religious stuff. Voilà, c'était la même démarche. So it's very good in a way that you're not too Jewish. Donc l'idée de ne pas être trop juif, c'était déjà un peu ancré dans ce mouvement qui appréhendait finalement des gens déjà en sécularisation. C'est le début d'un développement transnational du centre de la Kabbale, qui maintenant, enfin la majorité des membres n'ont aucune origine juive. Et en revanche, les professeurs sont souvent des jeunes sécularisés israéliens, qui eux, par contre, connaissent relativement bien, finalement, les rituels, la langue, etc. Alors, c'est là où ça devient significatif pour nous. Cette universalisation, finalement, et cette déjudaïsation du mouvement, c'est accompagné d'une grande psychologisation de l'enseignement. C'est-à-dire que, vraiment, il y a une espèce d'importation de ce que je pourrais appeler la pop psychologie, la culture de la thérapie, du développement personnel. On fait de moins en moins référence, encore une fois, vraiment à des concepts complexes, spécifiques à la Kabbale, et de plus en plus à une espèce de substrat, enfin, voilà, de développement personnel. Et une des grandes idées du centre de la Kabbale, vous allez voir, c'est pas... c'est pas particulièrement kabbalistique, je pense, ou spécifique au judaïsme, certainement pas, c'est que l'univers est gouverné par des lois spirituelles. Un principe de cause à effet, un peu comme la loi du karma. Et vivre en accord avec ces lois permet d'intensifier notre relation avec la lumière du Créateur, qui nous permet donc d'être plus épanouis, plus heureux, parce qu'on reçoit plus de la lumière et aussi d'éliminer le chaos dans le monde. Alors, comment se fait en fait cette connexion au respect des lois spirituelles de l'univers, plusieurs choses. Éventuellement respecter un certain nombre de commandements propres au judaïsme, certaines fêtes, festivités, certaines prières sont respectées, non par tradition, mais simplement parce que c'est une opportunité de se connecter à la lumière. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette expression d'opportunité, qui est très très voilà, propre au néolibéralisme. On en a plein d'opportunités dans ce monde, ce qui veut évidemment dire qu'on est souvent responsable des choix que l'on fait et de ceux que l'on ne fait pas. Bref, il y a donc cette autorité transcendante, la lumière du Créateur, le Créateur, et une responsabilité individuelle à la manière dont on agit va nous permettre de se connecter ou pas, et donc de recevoir de la lumière ou pas. Alors, il y a d'autres manières aussi de se connecter à la lumière. C'est une formule qu'ils utilisent qui est un peu centrale dans l'enseignement. Je suis désolée, la projection n'est pas terrée, mais je n'avais pas trouvé une meilleure version en ligne. Donc c'est une formule, c'est un des outils, une technique du centre de la Kabbale, par lesquels les étudiants sont invités à être proactifs et ne pas être réactifs. Hein. Donc proactif, c'est être ouvert, contrôler ses émotions, ouvert aux autres, communiquer, généreux, enfin tout un certain nombre de valeurs, de normes, de vertus assez standards. Être réactif, finalement, c'est ne pas contrôler un certain nombre d'émotions indésirables, la jalousie, la colère, enfin bon, des choses très banales. C'est tellement banal, j'ai du mal à trouver les mots. Voilà. Et donc, la formule, c'est un peu les choses qu'on doit un petit peu appliquer au quotidien. Quand quelque chose, quand une situation un peu difficile, un obstacle arrive dans votre vie, faites une pause. Observez votre nature réactive. D'accord ? Donc là, il y a l'aspect réflexivité. Alors, on pourrait parler ici, souvent j'utilise beaucoup tout ça pour parler de discipline, de gouvernance de soi. Devenez conscient que votre réaction est votre vrai ennemi. Donc l'ennemi est bien soi-même et notre propre nature. Réaliser que la situation en fait vient de la lumière, c'est-à-dire que ce qui vous arrive, okay, il y a une intention, hein, il y a quelque chose que vous pourriez apprendre de par cet obstacle. Demander à la lumière de l'aide afin de trouver les solutions les plus proactives à cette solution. Donc il y a quand même aussi une force transcendante, il n'y a pas que le rapport, il n'y a pas que la responsabilité individuelle. Et ensuite, et une action proactive. Voilà. Vous verrez pourquoi c'est intéressant, ce rapport entre responsabilité individuelle et appel finalement à une autorité transcendante qui est la lumière. Mais bon, le centre de la Kabbale n'a pas un enseignement qui est encore une fois très spécifique, très différent de beaucoup d'autres mouvements religieux, de thérapies qu'on pourrait dire pop psychanalytiques. D'enseignement dit spirituel, il y a toujours cette dimension quand même de cultiver un certain nombre de vertus, de responsabilité individuelle et de discipline au niveau de l'individu. La responsabilité individuelle, elle vient aussi du fait que, c'est à nous effectivement de respecter ces lois de l'univers, et c'est pas la lumière ou la lumière du Créateur. Le Créateur ne sont pas des forces qui nous punissent ou qui nous récompensent vraiment, en fait. Bon, il y a toujours l'idée de récompense, mais en gros, on y est toujours au centre de la Kabbale. C'est comme l'électricité. Si vous mettez vos doigts dans la prise, bon, vous allez être électrocuté. Donc en gros, punition ou récompense, on en est tout à fait responsable. On met ses doigts dans la prise ou on ne les met pas. Voilà. Donc voilà un petit peu pour vous donner, on va dire, le cadre général. Et ici, je donnais un peu aussi une citation pour vous illustrer un petit peu comment les disciples de ce mouvement font sens de cet enseignement. Donc une personne que j'ai interviewée à Tel Aviv qui me parle des effets de cet enseignement du centre de la Kabbale et qui insiste vraiment sur cet aspect d'être moins réactif. It's a bit like being a victim consciousness. Donc vraiment, l'idée, il ne faut pas qu'on soit une victime. On n'est pas passif dans la vie. C'est à nous, en fait, d'évoluer, d'avancer, d'apprendre, etc. I used to be really into even, you know, being aware of it or not. I felt, you know, like a victim. I felt like life is dragging me wherever. Donc voilà cette passivité, on est sous contrôle d'autres forces. Et c'est ce qu'on croit en fait à un moment dans la vie. I'm not really in control of things. And it's not that I really had something traumatic or something bad had happened to me, but I felt like something here is missing, you know? So it was basically being less reactive to life, starting to really be on top of it, starting to really knowing that I have the power to change. Donc c'est vraiment l'idée, et c'est tellement, c'est d'une banalité assez affligeante, je veux dire, dans ce genre de mouvement, cette idée, cette soi-disant prise de conscience que finalement, la vie nous appartient en gros. Hein. C'est juste à nous d'en prendre conscience. Donc vous verrez pourquoi tout ça, c'est important. Donc, voilà, tout ça prend place dans cette idée, finalement, de psychologisation de la religion qui, à mon avis, a été relativement... Enfin, je dirais pas sous-estimée, mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus à écrire sur cette question-là qu'il ne l'a été. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est à une tendance massive dans la vie religieuse aujourd'hui, ce désir... Et cette nécessité, cet impératif de se réaliser, une perception de la vie comme finalement un apprentissage sans fin, voilà, un accent sur l'autonomie, la résilience, la responsabilité individuelle, le volontarisme, cette attitude d'accepter les obstacles et les difficultés de la vie parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Tout ça, c'est quand même des tendances que moi, je trouve très, très lourdes. Et sur lesquels peut-être il faudrait travailler beaucoup plus. Donc, dans le centre de la Kabbale, mais j'ai envie de dire dans beaucoup de mouvements que j'ai pu étudier, les acteurs sociaux cherchent des méthodes pratiques finalement pour acquérir ces compétences particulières, hein, de détachement, de force en soi, d'optimisme, d'acceptation, de résilience. Qui, en tant que tel, devrait les amener à un certain épanouissement. Et encore une fois, on retombe sur, voilà, peut-être une analyse du néolibéralisme où, finalement, on cherche tous à un certain empowerment, j'ai pas d'autres termes, qui est finalement la solution à tout, hein, puisqu'on n'a plus tellement de bouée de sauvetage. Donc, quand même, on voit ici qu'on a affaire à des biens de salut assez particuliers. Encore que, bon, voilà, on pourrait discuter des différences et des variations avec d'autres milieux. Enfin, encore que, voilà, maintenant, je travaille sur une congrégation un peu de type évangélique conservatrice, je trouve que, quand même, c'est pas les mêmes biens de salut. Non, c'est... Bon, il y a toujours un désir, évidemment, d'être heureux, etc., mais ça passe pas forcément par cette idée de développement personnel de la même manière, je trouve. On pourra en discuter. Et bon, j'ai pu écrire que finalement, c'est bien de salut que ce soit kabbale, yoga, méditation, chamanisme, attire de manière donc prédominante des classes moyennes urbaines, pour lesquelles la flexibilité, l'adaptation aux situations, le contrôle des émotions et du stress, l'acquisition de qualités relationnelles sont particulièrement valorisées dans les professions que ces classes occupent. Elles sont très réceptives à l'acquisition de ces compétences émotionnelles. Et elles sont majoritaires dans ce type de mouvement religieux. Et bon, je me réfère à Eva Illouz, qui effectivement a bien souligné que le contrôle des émotions est fondamental dans la reproduction des classes moyennes. Donc ça permet finalement la reproduction de ces classes en développant ce que Illouz avait appelé un capital émotionnel. Mais bon, ce qui m'avait aussi intéressé dans ces mouvements qui pour moi appartiennent à ce que j'appelais l'exotisme religieux, c'est qu'aussi ils touchaient en particulier une fraction spécifique de la classe moyenne, qui est la petite bourgeoisie nouvelle, notamment les gens qui sont finalement souvent dans ce qui est coaching, thérapie, mais aussi un peu dans le milieu artistique, formation, et ainsi de suite. Où finalement ces ressources exotiques leur permettaient un petit peu de renouveler un peu leur capital culturel, d'être faire partie de cette avant-garde culturelle de faire état de leurs compétences spécifiques, de maintenir leur rôle dans cette production de biens et services symboliques tout à fait spécifiques. Bon, aujourd'hui, je voudrais laisser un peu de côté cette question de l'exotisme. Me poser des questions vraiment assez différentes sur lesquelles j'aimerais vraiment travailler à plus long terme, c'est prendre par exemple voilà, l'enseignement du centre de la Kabbale et de voir comment, en fait, cet enseignement va avoir des effets différents en fonction des trajectoires sociales des individus. Et aujourd'hui, je vais prendre finalement deux trajectoires d'individus qui ne font pas partie de cette petite bourgeoisie nouvelle. Et je voudrais montrer en plus que le langage qu'ils vont utiliser pour parler de leur relation à l'enseignement est façonné par leur positionnement en termes de classe sociale. Donc on va prendre l'exemple de Darren et Catherine. L'un qui appartient à la classe moyenne supérieure, qui travaille dans le milieu bancaire à Londres, et l'autre qui est issu d'un milieu relativement pauvre, artisan, qui est maintenant petite commerçante dans la banlieue parisienne. Et là on retrouve... Alors, c'est intéressant, finalement, lui qui travaille dans un hedge fund, donc vraiment dans tout ce qui est... la city, c'est, voilà, c'est déjà la mondialisation, et elle qui a son petit magasin dans une ville, voilà, près de Pont-en-Como, voilà, c'est du local, c'est du fixe. Donc on retrouve cette dimension globale locale. Tous deux sont des cas finalement assez atypiques, enfin lui moins, d'ailleurs c'est pas tellement un cas atypique du centre de la Kabbale, mais c'est pas le cas typique, et elle est vraiment atypique pour le centre de la Kabbale. Donc je vais commencer par vous présenter Darren. Donc 38 ans, il est donc dans le centre de la Kabbale à Londres depuis 4 ans et demi, et le centre de la Kabbale à Londres, c'est déjà... Ça draine énormément de gens qui font partie vraiment d'une élite londonienne. Bon, déjà, il faut avoir les moyens de vivre à Londres. Mais vraiment, ils ne vivent pas dans des appartements qu'ils partagent à 5 ou 6, hein, ces gens-là. Beaucoup d'artistes connus, de gens qui font partie vraiment, qui ont leur, qui sont coachs, mais des gens qui vivent vraiment, vraiment bien, qui font partie des milieux affluents de Londres. Et donc, on discute effectivement des effets possibles du mouvement sur sa vie en général. Darren évoque par exemple avoir développé une attitude plus ouverte vis-à-vis de ses collègues, donc on retrouve ici évidemment des compétences émotionnelles dont vous avez parlé, mais c'est intéressant parce qu'il m'explique aussi qu'il a changé de carrière après avoir découvert l'enseignement du centre de la Kabbale. Il avait eu très peu d'intérêt pour des choses spirituelles New Age avant. Donc avant de rentrer au centre de la Kabbale, il travaillait comme analyste financier dans le système bancaire. Et ensuite, il a décidé de travailler pour un hedge fund, 2 ans avant que je le rencontre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce que sont les hedge funds. Moi, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, ce sont des organisations qui font des investissements pour des clients à très court terme. Donc ça peut être entre quelques semaines, mais parfois même quelques minutes. Et qui donc produit, l'idée évidemment c'est de produire des rendements, mais finalement ce sont souvent des investissements assez risqués, et certains ont pu avoir, ces investissements ont pu avoir des effets très néfastes sur certaines économies nationales, parce qu'ils peuvent aussi servir comme attaque spéculative, c'est du rapide, c'est du fluide, c'est, voilà. Mais il me dit, il est super content d'avoir fait ce changement, et il me dit, voilà, travailler dans un hedge fund, quelque chose qu'il he enjoyed a thousand times more, and there's much more responsibility, much more opportunity, again, opportunity, much more flexible hours. It's literally chalk and cheese. C'est le jour et la nuit. Et il me dit, voilà, ce changement de carrière a été encouragé par l'enseignement du centre de la Kabbale. Et il m'explique ici, Kabbalah taught me to understand how can I add value in the workplace. When I identify what I could do best, the light gave me the opportunity that matched it. I kept pushing in the wrong direction and not even realizing it. And when I understood this is what I should be doing, then the opportunity came and it enabled me to do that. Donc en gros ici, Narine nous explique que c'est la Kabbale qui l'a aidé à identifier finalement ses compétences, à faire une espèce d'évaluation de lui-même, et qui lui ont permis en fait d'activer, on pourrait dire ici, peut-être, des dispositions sociales, qui en fait viennent de son capital culturel qu'il possède de par sa formation, sa profession, voilà, sa classe sociale. Mais ici, finalement, il nous dit, voilà, c'est la cabale qui m'a permis de... Et donc, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser par rapport à ça. J'y reviendrai. Enfin, j'y reviens tout de suite, d'ailleurs. C'est... j'y reviendrai. En fait, la question, c'est... Est-ce que c'est la cabale, et je vais répéter cette question encore une fois, qui lui a permis, en fait, de déclencher quelque chose, ou est-ce que finalement... il l'aurait fait sans rencontrer l'enseignement de la cabale. C'est là où on ne peut pas tellement savoir. Est-ce que c'est un déclencheur ou finalement c'est même pas un déclencheur? Est-ce qu'il y a un effet en fait? Est-ce qu'il y a un effet de l'enseignement religieux? Il croit bien sûr en l'effet. Mais voilà, comme sociologue, est-ce que finalement on doit aussi croire à l'effet ici? Voilà, ou est-ce que, voilà, c'est, enfin, c'est compliqué, voilà, ça peut être simplement un déclencheur de quelque chose qui est déjà là. Ouais, on y reviendra, c'est une des questions centrales de mon papier. Donc, ici, vous voyez, Darren voit l'opportunité d'une réorientation professionnelle comme un don de la lumière. Voilà, c'est quelque chose qui lui est donné par cette force transcendante. Mais encore une fois, il est évident pour nous ici que ce don de la lumière n'est possible que parce que derrière, il a un certain nombre de prédispositions, d'avantages liés à sa trajectoire. Donc ici, on voit bien que Darren attribue finalement aux agissements mystérieux de forces transcendantes les effets de son capital social et culturel, dont les logiques sont certainement pour lui et pour tout acteur social pas moins obscures et impénétrables. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il parle aussi de gagner finalement de la confiance en lui-même, en ses compétences, en ses capacités. Et ceci nous rappelle aussi que finalement la confiance en soi est un avantage fondamental des classes moyennes. C'est parce que est-ce que c'est alors, et c'est aussi peut-être quelque chose de tout à fait rationnel, c'est-à-dire qu'on a confiance en soi, on se dit bah oui, si je fais ceci, cela, forcément je vais réussir. Mais peut-être parce qu'en fait c'est un calcul relativement réaliste. Quand on a un certain nombre d'avantages, les choses ont des chances de fonctionner. Et effectivement, Darren explique qu'il a l'impression qu'il finalement met la main dans quelque chose de plus grand que nous et d'être soutenu par cette force qui lui a permis de changer de carrière. Donc ici, vous voyez, encore une fois, il me décrit ce que la cabale fait pour lui. Comme voir que la cabale, c'est un enseignement du Moyen-Âge assez complexe, basé sur des textes assez obscurs, donc c'est quand même intéressant qu'il explique la cabale de cette manière-là. Tout ça pour dire que c'est quand même détaché du corpus originel. Kabbalah teaches you how to get the very best out of life. La cabale vous permet d'avoir le meilleur de la vie. It's a very practical system. It gives you very specific, down-to-earth and physical tools that when you apply, improve your life completely. Et là, on peut se dire, en fait, est-ce qu'il ne parle pas simplement de son capital, en fait, culturel, social, financier? C'est là ce que je trouve voilà, tout à fait fascinant. Encore une autre citation, encore une fois, où il montre bien que ça parle de prédispositions, de compétences qui sont... qui ont de la valeur finalement dans son milieu professionnel. What Kabbalah does is it teaches you how to deal with the challenges in your workplace far more effectively. It teaches you how to not eliminate but manage stress. On revient aussi ici aux compétences émotionnelles importantes. How to get more out of working with other people. Compétences managériales peut-être. How to manifest results more quickly. How to get help and assistance, for example, from what's far bigger than us. Therefore, to be more effective in what you do. Okay, comme je vous le disais, so it teaches you to tap into something bigger than ourselves. And life becomes much easier. Et là, il fait une pause et il dit, otherwise my job would be literally impossible. How can anyone possibly understand what's going on in the whole world? And then, is just impossible. Et là, c'est vraiment intéressant parce que finalement, je lui dis oui, donc j'essaye de lui faire parler un peu de son travail. Parce que je connais rien, moi, au hedge fund à la base. Enfin, même plus loin que la base d'ailleurs. J'essaie de voir un petit peu comme pourquoi il me dit ça, et en fait il explique voilà, que c'est des investissements à très très court terme, et parfois on sait pas en fait, il sait pas plus que vous et moi en fait. C'est là que je me suis dit, il faut jamais investir de l'argent parce qu'en fait ces gens-là ils en savent pas forcément plus que nous, il sait pas sur quoi investir. Donc en fait il a besoin d'avoir un. Voilà, il y a un doute, il y a un stress, voilà, quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend, c'est des choses qui, à mon avis, il y a beaucoup plus d'intuition. Qu'on l'imagine. Donc il trouve ça très excitant parce que ça bouge très très vite. Mais c'est vraiment trouver la bonne opportunité du moment, même pas forcément de la journée, du moment. Et non, je lui dis oui, ça doit être quand même assez difficile. Et il me dit voilà, you're right. Which is why I couldn't possibly do it without asking help from something bigger than me. Voilà. Yeah, often, many times at work, I don't have a clue how to do this. D'accord? J'ai aucune idée parfois. Yeah, often, many times at work, I just do not have a clue how to do this. Literally, every day, there's a point where I haven't got a clue what's going on or how to do this, and then ask for help. Encore une fois, moi, j'investirai plus jamais des sous. Enfin, c'est pas que j'ai jamais investi, mais je me dis bon. And invariably, if I'm in the right place, things will happen. Et c'est ça qui est génial, c'est que invariablement, même quand je suis stressée, il y a quand même un truc qui se passe. So for example, I need to work out a specific problem and I haven't got a clue on how to do it. I sit back and I'll ask for help. Donc il demande de l'aide à la lumière. And I'll get an email with a piece of research that exactly answers this question for me. So that's how the universe can help you. It sends people and situations that gives you what you need to know. Donc pour lui, c'est l'univers qui lui donne la solution. Et en fait, c'est pas simplement l'univers, c'est qu'il a déjà les prédispositions qui font qu'il sait, voilà, d'accord. Quelles sont les informations importantes? Il a un capital social qui fait qu'il connaît les bonnes personnes, il sait quelles sont les bonnes informations. Encore une fois, don de la lumière ou prédisposition. En d'autres termes, on pourrait dire ici que le bien de salut ne s'épanouit qu'en terrain déjà, en terreau déjà fertile, en un sens. Donc le don, est-ce que voilà, c'est le don de sa position sociale. Et encore une fois, une confirmation ici. Quand je lui demande, bon, à la fin de l'entretien, les effets, voilà, du son de la cabale. My work's been transformed, my private life's been transformed parce qu'il a rencontré sa femme aussi dans le centre. C'est normal, c'est le même milieu. Et pour lui, encore une fois, c'est un don extraordinaire, mystérieux de la lumière. Et voilà, des dons financiers. It's amazing all the things that happen to you. Donc voilà, pour lui c'est vraiment un moment de don extraordinaire. Et donc je suis obligée d'aller assez vite parce que je vois que j'ai parlé très longtemps. On va ici comparer avec Catherine qui a une expérience tout à fait différente. Donc Catherine, que j'ai interviewée en France, voilà, elle met aussi sa confiance dans la lumière du Créateur, mais les miracles sont un peu plus incertains. Elle a 53 ans, elle est divorcée avec 3 enfants qui sont adultes. Elle découvre le sang de la Kabbale à travers une femme, Rebecca, qu'elle rencontre dans une synagogue dans la banlieue de Paris où elles vivent toutes les deux. Et Catherine avait donc embrassé la tradition juive, elle n'est pas d'origine juive, quand elle s'était mariée très jeune à quelqu'un qui était juif. Mais elle n'avait pas pu se convertir parce qu'elle faisait partie d'un milieu orthodoxe et elle devait travailler le samedi. À présent divorcée, non convertie, elle se trouve et se sent exclue de la communauté juive, mais elle voudrait continuer en fait à rester proche finalement du judaïsme. Et le centre de la Kabbale, relativement inclusif, moitié juif, moitié non juif, lui permet de faire ça. En tant qu'enfant, elle a expérimenté, elle a connu vraiment la pauvreté extrême. Et donc elle a quitté l'école avant son BEPC, elle a été couturière, mariée très jeune. Elle m'explique qu'elle aurait voulu tout faire pour que ses propres enfants ne connaissent jamais la pauvreté qu'elle a pu connaître. Elle avait commencé jeune à faire donc, de la couture, à coudre des rideaux. Elle avait donc commencé à travailler dans un petit magasin de couture dans un centre commercial de la banlieue parisienne. Et puis elle a eu son propre magasin. Et puis quand je la rencontre, elle vit en fait dans son magasin, dans la banlieue. Elle vit dans le sous-sol de manière à, parce qu'elle peut, parce que son activité ne marche plus. Et elle essaye finalement de faire des économies de manière à permettre à sa fille de poursuivre ses études. Et donc elle voudrait en fait à ce moment-là développer une nouvelle activité qui est le maquillage permanent à domicile. Donc elle a fait une petite formation et elle veut développer cela. À ce moment-là, dans l'entretien, elle m'explique que bon, le centre de la Kabbale à Paris est fermé, mais elle voudrait vraiment que ça réouvre parce qu'elle a besoin d'apprendre et elle voudrait refaire le cours de base qu'elle avait déjà fait. Donc je lui demande pourquoi, parce qu'elle l'a déjà fait, et elle me dit, et spontanément, c'est pas, je l'avais pas branché sur la question, elle me dit, ah mais c'est parce que je voudrais avoir changé d'activité professionnelle. En d'autres termes, elle veut étudier la Kabbale, encore une fois, pour faire ce changement. Encore une fois, orientation professionnelle qui va être très différente de celle de Darren. Et elle insiste sur l'importance vraiment de faire confiance en la lumière, qui est une expression du son de la Kabbale. Mais en même temps, elle m'explique comment... en même temps qu'elle m'explique que ça lui donne confiance en elle, en même temps, elle me parle beaucoup finalement de doute, de peur, de négativité, qu'elle voudrait garder à distance, qui contraste vraiment avec la confiance solide de Darren. Et à plusieurs points, plusieurs moments dans l'entretien, elle se critique elle-même pour avoir exprimé ses sentiments d'incertitude et de peur, parce qu'il faut vraiment avoir de la certitude, être plus positif, sinon les choses n'arrivent pas. Hein. Et c'est un petit peu ce que vous voyez ici. Moi, je me suis souvent bloquée dans ma vie, des fois, on se bloque, hein, parce qu'on fait des négations, on a peur, on a des doutes. Les doutes, ça te fout la vie en l'air. Et une fois que tu as vu qu'il y a des outils, donc les techniques du son dans la Kabbale, qui t'aident à avancer dans la vie, une fois que tu as vu des miracles, parce que moi, j'appelle ça des miracles, avec... ça, c'est la prière, le Hana Bekoar. Moi, j'ai eu plusieurs miracles, petits, grands, moyens. Et bien après, tu évites les doutes. Enfin, tu n'as plus peur, mais il y a des moments où, quand moi j'ai perdu ma maman, je suis retombée dans le doute et l'inquiétude. L'inquiétude, tu sais, c'est pas évident. Il y a des moments où on est déstabilisé. Hein. Et en plus d'être seule, de faire un truc, refaire une activité, j'étais 2 ans et demi au chômage, pour aller souvent voir maman en Dordogne. Donc, mais quand tu vois les miracles, ça revient. Tu reprends confiance. Et il faut souvent aller au centre de la Kabbale pour toujours avoir confiance. Et pratiquer. Si tu pratiques, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pour ça qu'il faut scanner le Zohar, donc le livre de référence du centre de la Kabbale. Il est là, le Zohar. Elle me le montre. On peut guérir, mais il faut être certain, il faut être sûr. Et oui. Donc voilà, elle tient vraiment à ce désir, ce besoin de certitude. Et vous voyez, ici, elle se sent responsable quand finalement elle n'a pas de miracle, parce que voilà, c'est elle qui n'a pas assez de certitude. Elle me parle aussi souvent du fait que s'il n'y a pas assez de choses qui arrivent dans sa vie, c'est parce qu'elle n'a pas assez pratiqué, elle n'a pas assez appris. C'est ça qui bloque la lumière. Par exemple, elle m'explique, voilà, elle voudrait bien avoir elle aussi son appartement et pas vivre dans le bas de son magasin. C'est pas son vrai magasin, mais ça ressemble un petit peu à ça, c'est pour illustrer. Hein. Voilà, donc elle m'explique que voilà, elle aide ses enfants, mais maintenant c'est à mon tour d'avoir un logement bien. Mais il faut encore que j'ai de l'attente, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut que j'étudie plus, au centre de la Kabbale. Et certainement, ça irait plus vite si j'étudiais un peu plus. Donc les portes s'ouvriraient un peu plus. Hein, vous voyez, tous ces rapports de punition, de sanction, à une force voilà, qui sanctionne, qui punit. Plutôt que de récompenser, finalement, chez Darren, ça paraît tout de suite beaucoup plus fascinant. Et ce qui me fascine ici, c'est que son discours, elle se blâme elle-même pour finalement dire bah, « c'est moi qui me bloque ». Et finalement, en un sens, c'est cynique ce que je veux dire, mais c'est vrai que finalement, c'est son manque de capital culturel, social, financier qui effectivement la bloque. Donc encore une fois, il y a ici, pour moi, une transposition d'un capital, ici un manque de capital, dans le rapport à cette force transcendante. Et bon, je vais passer là-dessus, mais je voulais citer Bourdieu, donc je ne le ferai pas, pour dire à quel point finalement on retrouve ici une illustration de ce que Bourdieu avait pu écrire sur la religion dominée. Hein. J'ai trouvé ça très très fort. On voit bien que Catherine exprime des formes plus littérales de dépendance aux différentes formes de soutien que peut apporter le centre de la Kabbale. Hein, voilà, elle me parle beaucoup de la prière, elle a un calendrier, le centre de la Kabbale, qui explique quels sont les jours positifs, négatifs. Le Zohar, elle a des petits Zohar miniatures dans sa voiture, dans son sac, qu'elle embrasse tout le temps. Alors que Darren, non pas du tout. Et bon, oui, il va probablement faire des cours, mais finalement, lui, il n'a pas tellement besoin des cours, en fait. Parce que tout va bien pour lui. Hein. Non, ben oui, c'est comme ça. Donc, tout montre un peu, finalement, sa dépendance par rapport à des forces supérieures qu'elle essaye d'arnacher, mais avec beaucoup moins de facilité que Darren. Alors après, on pourrait se dire, eh oui, mais peut-être, parce que ça serait intéressant maintenant de la revoir, de se dire, peut-être que le centre de la Kabbale l'a aidé à développer une autre activité professionnelle où elle va avoir un certain succès. C'est là où ça devient complexe, parce que finalement, encore une fois, on repose la question de savoir de l'effet de l'enseignement. Et puis aussi, il y a aussi une articulation ici entre trajectoire, enseignement religieux, mais aussi contexte social. Il se peut que tout à coup, le maquillage permanent à domicile devient une mode folle et qu'elle développe un business extraordinaire. Après, on pourrait aussi se dire que très souvent, c'est faut faire partie d'un certain milieu socio-professionnel pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va marcher pour être dans l'avant-garde. La plupart du temps, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe avec Darren. C'est-à-dire, voilà, il a des prédispositions qui lui permettent de savoir, en général, où investir ou pas investir. Mais je pense aussi, j'ai oublié de dire ça parce que j'y ai pensé hier, en relisant les propos de Darren. Je pense aussi qu'est-ce qui fonctionne. Il parle beaucoup de comment il gagne de la confiance en lui-même. Et je pense que c'est quelque chose qui doit faire partie de son habitude et de la présentation de lui-même. Et c'est vrai que je pense, moi, si je suis cliente et que je vais voir un banquier, j'ai besoin qu'il investisse de l'argent, j'ai besoin de quelqu'un en face de moi qui exprime cette confiance en lui. Que je me dis, bah oui, bah, il sait ce qu'il fait. Donc, ça fait partie aussi d'un capital émotionnel, on peut dire, très probablement valorisant et valorisable dans sa profession. En revanche, je pourrais dire que ses compétences émotionnelles sont peut-être moins valorisante, moins valorisable pour Catherine dans son idée de soit d'être couturière, soit dans le maquillage. Voilà. Alors, les conclusions. Plusieurs questions. Après Weber et Bourdieu, moi je pense toujours que c'est une base qui me semble, par rapport aux exemples que je vous ai montrés, vraiment intéressante. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même des affinités, voilà, entre trajectoire sociale et certains enseignements. Je pense aussi que, en revanche, comment est-ce qu'on va prendre en compte la complexité des trajectoires et les habitudes de gens? Voilà, parce qu'on, voilà, si on se réfère à l'AIR, l'acteur est de plus en plus pluriel, dans un monde aussi religieux qui est aussi lui-même de plus en plus diversifié. Donc, comment est-ce qu'on peut généraliser ça? Encore une fois, la question que j'ai posée plusieurs fois dans cette communication, c'est voilà, est-ce que le bien de salut a un effet ou est-ce qu'il exprime simplement l'effet de prédisposition sociale ou les deux? Voilà. Et encore une fois, comment est-ce qu'on va théoriser ça? Et de manière générale, comment est-ce qu'on peut penser de manière générale, théorique, les rapports entre système religieux, prédisposition des individus et le contexte social, économique et politique? Parce que là, bon, je donne un exemple un peu micro, et c'est agréable et c'est intéressant, mais voilà, le but au bout du compte, c'est quand même d'avoir peut-être un modèle qui nous permette de penser ça de manière théorique et générale. Je vous remercie.